Des fois, quand je regarde les vidéos YouTube autour de l'investissement immobilier, j'ai vraiment l'impression que c'est Casimir, quoi. C'est tout le monde est gentil, tout le monde il est beau, tu peux investir sans rien. Donc dans cette vidéo, je vais te répondre à une question qui est très importante. Peut-on investir sans argent? Salut à toi. Avant de démarrer cette nouvelle vidéo, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Damien. J'ai créé la chaîne Esprit Gagnant pour aider le maximum d'investisseurs à devenir rentables. J'ai mis en place une formation sur l'investissement locatif de A à Z. Tu peux la télécharger gratuitement. Le lien se trouve dans la vidéo au-dessus ou en dessous. Il te suffit de mettre ton prénom et ton email et je te l'envoie immédiatement. Donc dans cette nouvelle vidéo, nous allons regarder si on peut investir dans l'immobilier sans argent. Donc la réponse basique, c'est oui, tu peux investir dans l'immobilier sans argent. Maintenant, faut-il investir dans l'immobilier sans argent? Et la réponse, clairement, c'est non. Et je vais te donner un argument, un seul, un argument majeur par rapport à ça. Tu investis dans l'immobilier sans argent, on te finance totalement, pas de souci. Au bout de la première année, tu n'avais pas vu une dépense imprévue, 5000 euros à payer. Comment tu fais? Voilà, tu es bloqué. Donc, clairement, la question « faut-il investir dans l'immobilier sans argent ?» elle m'agace un peu quand j'écoute certaines personnes en parler. Moi, tu me connais, tu commences à me connaître, j'aime pas vendre du rêve. Je te donne des choses qui vont te permettre d'atteindre des investissements rentables, de devenir financièrement libre et indépendant. Pour autant, je te vends pas du rêve. Il faut pas investir sans argent. Ce qu'il faut faire, par contre, il faut investir sans apport, tout en ayant de l'argent de côté, au moins ce matelas de sécurité. Et si jamais, vraiment, si jamais tu ne l'as pas, dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est mettre en place au plus vite une stratégie qui va te permettre de l'avoir. Deux moyens. Premier moyen, dès aujourd'hui, tu vas mettre en place un virement automatique dès le moment où tu touches ton salaire. Donc, si tu sais que tu touches ton salaire, par exemple, le premier du mois, tu vas mettre un virement automatique le 3 du mois de 10% de ton salaire sur un compte d'épargne. Tu vas libeller ça, virement en vue d'un projet immobilier à venir. Et là, du coup, au fur et à mesure, sans t'en rendre compte, tu vas empiler une épargne, un matelas de sécurité et tu n'auras plus besoin d'écouter un gars qui te vendra du rêve pour investir dans l'immobilier sans argent. Parce qu'en fait, tu en auras de l'argent. Par contre, tu écouteras un gars qui te dira comment investir dans l'immobilier sans apport. C'est ça le plus important. C'est pouvoir, si tu le veux, investir dans l'immobilier sans apport. Et ça, je te dis, oui, il faut le faire. Il faut investir dans l'immobilier sans apport. C'est-à-dire qu'il faut te faire financer totalement ton bien. Il faut te faire financer les frais de notaire. Et il faut te faire financer les travaux, si c'est possible. Ça, c'est le maximum. Pourquoi il faut faire ça? Parce qu'on ne sait pas si demain, les prêts immobiliers, les taux vont augmenter ou pas. Et si les taux augmentent, tu seras bien content d'avoir emprunté le maximum à des taux bas. Et tu pourras mettre ton apport que tu auras constitué au fur et à mesure quand les taux vont augmenter, quand l'impact de cet argent sera vraiment important. Aujourd'hui, l'impact de l'argent que tu vas mettre, il est très très faible. Donc, il vaut mieux le garder pour séduire la banque pour de prochains investissements immobiliers, pour avoir la tête, l'esprit tranquille, pour dormir sur tes deux oreilles. Voilà, tu sais que tu as 10, 15, 20, 30 000, 50 000 euros de côté. Tu sais que s'il arrive un problème, ce n'est pas génial pour ta compta. Mais tu peux dormir sur tes deux oreilles. Moi, j'ai deux enfants. Je suis un papa investisseur. Le truc le plus important pour moi, c'est de ne pas mettre ma famille en danger, de ne pas mettre mes enfants en danger. Par contre, c'est aussi d'investir, c'est aussi de passer à l'action. Donc, il faut faire les deux en parallèle. La sécurité et l'investissement. Donc, c'est pour ça qu'on va faire de l'investissement rentable et de l'investissement sécurisé. Hein? Je ne te vendrai pas du rêve. Je ne te dirai pas qu'avec un investissement, tu deviendras millionnaire et tu iras vivre à l'île Maurice. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Par contre, si tu fais une stratégie intelligente, si tu mets de l'apport, si tu mets de l'argent de côté au fur et à mesure, tu vas investir sans apport et avec de l'argent sur tes comptes. C'est ça le plus important. Donc voilà, c'était une rapide vidéo pour répondre à cette question. Voilà, j'ai essayé de la prendre sous un autre angle. Faut-il investir sans argent? La réponse est non. Faut-il investir sans apport? La réponse est Oui, je te le conseille, tant que les prêts, les taux d'intérêt sont bas, il faut un maximum profiter de cet effet de levier magnifique. Et ensuite, si jamais les taux augmentent et on ne peut pas prévenir du futur, de l'avenir, donc ça pourrait augmenter. Et dans ces cas-là, tu auras de l'apport et tu mettras de l'apport. Et là, cet argent vaudra beaucoup plus le coût financièrement. Donc voilà, c'était pour te montrer rapidement que il faut pas forcément toujours bien tout écouter ou alors écouter jusqu'au bout. D'accord? Souvent, quand j'écoute les personnes, d'autres amis youtubeurs, ils commencent par il faut investir cet argent et après ils ont le même discours que moi. Parce qu'ils ne veulent pas te vendre du rêve. Parce que le souci de te dire ça, investis sans argent, boum, investis sans argent, achète 4 immeubles en parallèle, les banques ils verront rien parce que tu as investi dans 4 banques différentes. Mais magnifique! Vas-y, fais-le! Et derrière, le but, nous, notre but, enfin moi, mon but, et pour avoir discuté avec d'autres personnes, c'est exactement le même but, c'est que tu sois un investisseur rentable, mais que tu dormes sur tes deux oreilles. Si tu as une famille, si tu veux avoir une famille, c'est pas que tu partes avec un passif de 200 000 euros à rembourser parce que tu t'es mangé complètement. Donc, il faut faire les choses intelligemment, petit à petit, et ensuite, tu vas vivre la vie de tes rêves. D'accord? Plutôt que, voilà, te vendre du rêve tout de suite et te donner des stratégies super belles sur le papier, mais très difficilement réalistes pour commencer dans l'investissement immobilier. Ensuite, quand tu as plusieurs biens immobiliers, quand tu as 5, 10 biens immobiliers, quand tu as une valeur, quand tu as un patrimoine qui commence à être à 1 million, 1 million 5, 2 millions, si tu veux commencer à jouer un petit peu, à faire plusieurs choses en parallèle, etc. Là, je dis pas, là, ça peut être intéressant de le faire pour accélérer réellement, parce que déjà, tu as appris des choses, donc tu as vu des erreurs, tu as fait des erreurs sur des petits produits, et du coup, tu vas essayer de ne pas les refaire, et puis tu commences à, voilà, avoir de la bouteille, à avoir un réseau d'investisseurs autour de toi, un réseau d'entrepreneurs, un réseau de chasseurs d'appartements, un réseau de banquiers ou de courtiers. Voilà, un expert comptable, un avocat. Donc, voilà, tu t'es fait tout ce réseau qui te permet derrière de prendre des risques, mais fais attention. On prend des risques mesurés, on prend les risques qu'on comprend, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Mets-moi un gros like, tu peux la commenter. Hein. Tout cela va me permettre, moi, de monter dans les moteurs de recherche, de faire savoir au plus grand nombre qu'Esprit Gagnant existe. Hein. Moi, mon but, très clairement, c'est d'être le numéro 1 sur l'investissement immobilier. Donc j'ai besoin de toi pour que ça soit possible. Si tu apprécies ce que je dis, eh ben, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, à la partager à des amis investisseurs. Le but, c'est qu'on monte tous ensemble, que la team des investisseurs rentables et sécurisés explose tout et monte, monte, monte, monte et fasse connaître au plus grand nombre ben, qu'on est juste là pour les aider à devenir rentables. Donc, d'ici la prochaine vidéo, en tout cas, je te dis, ben, passe à l'action, kiffe, profite des tiens, car c'est le plus important. Et à très bientôt. Ciao, ciao!